que je détestais. Et là, j'y ai un petit bébé poursuivi par mémé qui va avoir la fessée, mais qui va pas pleurer. Car je suis un grand garçon qui est fort comme un lion. Il veut faire de personne, mais alors il faut que j'aie tous mes jouets, mon goûter, mon typo et mon show, mon camion et mes crayons. Le tabouret pour attraper la pâte à tartiner. Puis là, je sais pas ce qui est arrivé, le placard est éloigné. Je suis tombé, mais j'ai pas pleuré. Car je suis un grand garçon qui est fort comme un lion. J'ai pas peur de personne, mais mon typo et mon auto, mon camion et mes qu'elle était partie. J'ai pas compris, mais j'étais en...